Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith, Dom Leão. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. Donc 13h32, bienvenue à tous et à vous toutes à l'écoute de l'Arc-en-Ciel. Voici donc le retour avec l'accordéon en musette, comme le dimanche, entre 13h30 jusqu'à 16h, avec beaucoup différences de musique, avec la marche, la valse, et puis d'autres, comme le passodoble, et puis d'autres musiques. Donc vous allez entendre tout cela l'après-midi. Voilà donc, merci aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée, et puis donc l'après-midi, ben, ça va bien se passer entre nous, avec l'accordéon. Donc voici quelques morceaux, avec déjà en premièrement la valse. C'est aussi ça. Se disait, vive les émotions. Voici donc le retour avec un morceau de Vals et puis juste après la marche. Thank you. vous. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc du passe-noble et puis juste après tout simplement un morceau de Tyrolien. donc on va changer un peu de style de musique et voici donc du Madison. We'll be right back.

la valse et puis juste après du tango. Nous sommes essentiel. C'est aussi ça. Un morceau de Vals et puis juste après la marche. We'll be right back. l'arc-en-ciel, un amour de FM. Arc-en-ciel.

Fox et de là Java juste après. Cinéma et concert radio là, il y avait plusieurs douzaines de garages qui trouvaient plus de 20 marchands, cholos, dancing et casino, il y avait 14 bars et des tas de tocards, les fermiers bien nippés avaient les cheveux coupés et toutes les vaches bretonnes dansaient le Charleston dans ce pays techno. Il y avait un thé tango. Un cinéma, les concerts à lieu là, il y avait plusieurs douzaines de garages Citroën, plus de 20 marchands, phonos, dancing et casino, il y avait 14 bars et des tas de tocards, les fermiers bien lippés avaient les cheveux coupés et toutes les vaches bretonnes dansaient le Charleston dans ce pays techno. Il y avait un thé tango. essentiel. C'est aussi ça. Voici donc que deux morceaux de Vans et puis juste après, ça sera de la polka. Voici donc trois morceaux de Vals et puis juste après de la marche. que de la bourrée. Et puis juste après, ce sera du tcha-tcha. Donné dans le japon, tu? Ne m'en parle pas, je ne peux pas trouver une fille. Et puis ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que des bergères, autrement dit des campagnards. Ah. Si tu voyais à Paris comme elles sont chic, bien poudrées, bien parfumées, et puis. Plante-toi, Christian! Guida pas et t'as au et ici, je m'en trouve pas des rouses, ni des bleuets, du quand j'ai le piao. Mais, Shintubu, la brune. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Thank you.

dit ça? Et donc toujours avec l'accordéon, et voici du passe-double.

sais bien que tu l'adores. Bambino. Et qu'elle a de jolis yeux. Bambino. Mais tu es trop jeune encore. Bambino. Pour jouer amoureux. Éclate, éclate sur ton mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de avec tes cheveux si blonds. Bambino, bambino, tu as l'air d'un chéri. Bambino, t'as pu tout jouer au ballon. Bambino, bambino, comme font tous les gamins. Bambino, bambino. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le toute la vie pour souffrir comme un écran. Éclate, éclate sur ton mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et quand ta cantate, ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, bambino, garde pas pour toi. Bambino, bambino, va le dire à ta maman. Bambino, bambino, les mamans c'est fait pour ça. Bambino, bambino. Juste après le Fox, voici tout simplement de la polka. Bambino, bambino. Thank you. que de la samba. Et puis juste après, la java. Samba, samba, on va s'en balader. Du côté de Rio, y a Copacabana. Samba, samba, on va s'en balancer. En gardant le tempo comme de vrais carioca. Samba, lélé, samba, lala. Samba, samba, chante avec moi. Samba, lélé, samba, lala. Samba, samba, danse avec moi. Pour une nuit de folie que l'on n'oubliera pas. Samba, samba, et pas s'embarrasser des problèmes, des soucis que l'on a, toi et moi. Samba, lélé, samba, lala. Samba, samba, chante avec moi. Samba, lélé, samba, lala. Samba, samba, danse avec moi. Comme le ciel du Brésil, les jours du carnaval. Samba, samba, avant de s'embrasser. Parfum, café, vanille sous des milliers d'étoiles. Samba, lélé, samba, lala. Samba, samba, chante avec moi. Samba, lélé, samba, lala. Samba, samba, danse avec moi. Copacabana. Samba, samba, on va s'en balancer. En gardant le tempo comme de vrais carioca. Samba, lélé, samba, lala. Samba, samba, chante avec moi. Samba, lélé, samba, lala. Samba, samba, danse avec moi. Samba, lélé, samba, lala. Samba, samba, chante avec moi. bien, l'émission touche à sa fin. Et puis donc, avant de se quitter, on va retrouver d'autres morceaux d'accordéon pour se quitter. Mais avant, déjà, ben, demain, nous serons déjà lundi. Donc à partir de 9h, eh bien, vous allez retrouver... Non, plutôt un petit peu avant, quand même, à partir de 7h jusqu'à 9h, vous allez retrouver Funky au réveil. Et puis juste après, entre 9h jusqu'à midi, l'émission de Jean-Pierre avec l'émission Vers Matin entre 9h et midi. Et puis en soirée, à partir de 19h30 jusqu'à 21h30 avec Manu on the rock. Et puis juste après lui, jusqu'à 23h30, Rémi avec l'émission du foot. Voilà donc, et là, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes, et à la prochaine.